Si j'arrête, je rentrerai du chiffre, je sais. Mais je rentrerai dans le vif du sujet. Par quoi vais-je le remplacer? Ma journée type depuis des années. Bédo café, manger dodo, baisse. C'est trop passe. Trop de joints par jour, compte les grammes. Nul en maths, du coup, conscient que je deviens plus con. Mais cette réalité, quand on est clean, me torture l'esprit. Le temps paraît plus long, j'ai perdu mon plus gros plaisir. Ce joint qui m'accompagnait matin et soirée. Transforme mes hurlements de douleur en fumée. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Ce joint qui m'accompagne depuis tant d'années. Sans lui qui sait si je serais un condamné. Je sais que je limite mes voyages, mes décollages, mes vols. Je sais que tout mon argent part dans la drogue. Au réveil un joint café, coca, le mélange parfait pour moi. Le matin, le midi, au goûter, au dîner, toute la soit. Je voyage à ma façon comme d'autres qui ne peuvent le faire. Je ne veux donner aucune leçon, donc tu n'as pas à m'en faire. Durant mes années de boulot, j'en avais la boule au ventre. Les non-diplômés feront de la manutention de la vente. Je serais mieux à geeker fumé. Tant pis pour ma santé, je préfère vivre 27 ans heureux que 54 attristés. L'adulte compense son enfance, ferait-il mieux d'oublier. Toute émotion affole, l'adolescence est multipliée. Mais ce n'est sans conséquence, quand c'est condensé, condescendant, c'est essentiel. C'est l'essence même de la vie qu'on aurait soi-même décidé avant soi-même. Décimé dans l'oubli, dans les abysses de la mémoire. Le temps coupe le fil d'Ariane. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes. Perdu, jamais, jamais, jamais. Perdu, jamais, jamais. Perdu, jamais, jamais, jamais. Perdu, jamais, jamais. Noyer les souvenirs noirs dans la fosse des Mariannes.